une vente monotone accordant son violon pour tresser quelques rides à la peau de mon front. Oh, je le vois déjà, le vent de ma vieillesse gifler mes rêves fanés comme il fait ce matin avec les feuilles du pré qui se meurent dans la boue. Je sens déjà mes yeux chargés de lourdes brumes perdre leurs dernières larmes sur quelques souvenirs, sur quelques photos jaunies, et sur un banc usé, ma langue évanouie, parler à l'imparfait, tandis que le brouillard a étouffé ce soir les cris de l'hirondelle. Écrit de l'hirondelle. Je regarde déjà comme de rames oubliées mes mains blanches trembler sur le nom d'un ami dans la page des morts. Et respire déjà l'hiver gris de mes jours au dernier soir d'automne, tandis que près du ruisseau la sève du mois d'avril a retrouvé. Retrouver la terre. Je sens déjà mes yeux chargés de lourdes brumes perdre leurs dernières larmes sur quelques souvenirs, sur quelques photos jaunies, et sur un banc usé, ma langue évanouie, parler à l'imparfait, tandis que le brouillard a étouffé ce soir les cris de l'hirondelle, les cris.